franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. On l'appelait Te Metua, le père ou le sage en tahitien. Un modeste charpentier, Pouvana ou pas, qui a incarné le rêve de l'émancipation tahitienne et qui est devenu une légende dans la Polynésie française, jusqu'à aujourd'hui. Ancien combattant de la Grande Guerre, Pouvana a choisi d'emblée la France libre dès 1940. Parlementaire puis dirigeant de ce tome, territoire d'outre-mer, ses aspirations à l'autonomie et même à l'indépendance de son pays se sont brisées contre la raison d'État et surtout contre la volonté française de faire de la Polynésie un champ d'expérimentation de ses armes nucléaires. Victime d'un procès douteux, Pouvana a donc été chassé de chez lui, emprisonné en métropole, avant de revenir triomphalement en Polynésie à l'orée des années 70, sans toutefois obtenir réparation et la satisfaction d'être réhabilité, ce que réclament toujours ses partisans et sa famille. Monsieur X revient donc sur le parcours et le combat de cet homme injustement oublié qui a osé défier un autre personnage historique, le général de Gaulle. Un jour nous irons tous les deux à Tahiti, retrouver là-bas le vrai goût de la vie. Les femmes et les hommes sont de grands enfants, l'on y vit heureux en dehors du temps. Un jour nous irons tous les deux à Tahiti, voler sur la terre un peu de paradis, sous les arbres bleus et les fleurs étranges, nous ferons les démons, nous ferons les anges. Et main dans la main, sur les plages dorées, renaîtra la joie de nos premiers baisers. Un jour nous irons tous les deux à Tahiti, là-bas tout est pur et le soleil sourit. Et nous retrouverons les sources d'antan et nos cœurs d'enfants qui se sont flétris. Un jour nous irons tous les deux à Tahiti, c'en sera fini de la porte d'Italie, loin du Paris mouillé, des brumes et des pavés. Le bonheur enfin nous sera donné. Mais irons-nous un jour tous les deux à Tahiti? Deux dates peuvent résumer symboliquement l'existence de Puvana Aopa. L'année de sa naissance, 1895, est aussi la date de l'annexion de son île natale, Huaine, par la France. Et 1977, l'année de sa mort, a vu la Polynésie française accéder à un statut d'autonomie. C'est son rêve, ça, mais autonomie ne veut pas dire indépendance. Oui, vous avez raison, d'autant que la Polynésie vit toujours sous perfusion financière de la métropole et reste donc dépendante de la France. Mais aussi parce que pendant une vingtaine d'années, grâce à ce que l'on a appelé le système FLOSS, elle a vécu en symbiose avec la métropole selon des modalités qui s'apparentent à ce qu'ont connu nos anciennes colonies africaines. Ouais, la France-Afrique. Quoi. Exactement. Ouais. Alors, Puvana, disons d'abord que rien ne destinait cet homme simple à devenir le père de la nation. Te Metua, comme l'ont appelé ses compatriotes. Il était charpentier, c'est ça, hein? Oui, oui, comme d'autres jeunes Polynésiens, il a été mobilisé lors de la Première Guerre mondiale et il est parti combattre en métropole, où il a participé à la seconde bataille de la Marne. Et sa formation? Oh, elle est rudimentaire, mais il parle et écrit le français. Toutefois, c'est dans sa langue natale qu'il s'exprime le mieux et qu'il fait même preuve d'un certain charisme. Autre donnée importante, Puvana a été très influencé par les missionnaires protestants qui ont contribué à son éducation religieuse. Des missionnaires qui ont joué un rôle fondamental dans la colonisation de la Polynésie. En effet, dès le milieu du 19e siècle. Autre chose, Puvana est originaire des îles Sous-le-Vent, un archipel qui s'est longtemps opposé à la colonisation française. Ça l'a marqué ? Oh, très certainement. Mais sa véritable entrée en politique se situe en 1940. On trouve son nom parmi quelques personnalités qui constituent alors un comité de Gaulle. Il se rallie donc très tôt au chef de la France libre. Oui, oui, son fils Marcel s'engagera dans le bataillon du Pacifique qui se distinguera à Birakem. Mais assez vite, Puvana rue dans les brancards. C'est-à-dire ? Bon, il s'oppose à l'administration gaulliste qui, affirme-t-il, fait trop peu de cas des autochtones et de leurs droits. Et dès ce moment, il participe à la création d'une association, les Amis de Tahiti, qui entend protéger les Polynésiens contre les appétits économiques des Français et des Chinois, comme on appelle tous les Asiatiques présents dans l'archipel. Des Chinois qui forment déjà une communauté assez importante. Oui, en tout cas, ça vaut à Puvana de connaître ses premiers ennuis. Accusé de comploter avec les Anglo-Saxons contre l'administration française, il est arrêté en 1942. En pleine guerre, donc. Hein. Et considéré comme un rebelle et même un révolutionnaire, il connaîtra la prison à plusieurs reprises. Et ici, il faut bien comprendre que la Seconde Guerre mondiale a suscité chez les autochtones, à Tahiti comme dans d'autres colonies françaises, une prise de conscience de la discrimination dont faisait preuve l'administration à leur égard. Ouais, c'est la naissance aussi d'une volonté d'émancipation. Hein. Et d'un réel mécontentement populaire. Après la guerre, vous le savez, la constitution de la 4e République abolit le mot « colonie » et lui substitue les termes « département » ou « territoire d'outre-mer ». Et la décolonisation est envisagée, sauf pour les établissements français d'outre-mer, comme on les appelle encore. Et parmi eux, alors, il y a la Polynésie. Que l'on dote d'une assemblée territoriale sans grand pouvoir. Donc ça ne suffit pas, j'imagine, à apaiser les tensions. Bien entendu, et Puvana n'est pas décidé à se taire. En 1946, il crée l'Union des volontaires, constituée notamment de combattants polynésiens rentrés au pays. Mais ça ne plaît pas. Il est radié des listes électorales. Toutefois, il ne renonce pas. L'année suivante, on assiste à la création du comité Puvana, une structure qui est ouvertement nationaliste, si l'on en juge par son principal slogan, Tahiti d'abord et pour les Tahitiens. Ah, il a donc franchi un pas supplémentaire. Hein. Oui. D'ailleurs, 1947 est une année charnière pour l'évolution du sentiment autonomiste. Enfin, je vous explique pourquoi. Cette année-là, le cargo Ville-d'Amiens débarque des fonctionnaires métropolitains qui vont être affectés à des postes que les Tahitiens espéraient voir réservés à des enfants du pays. En outre, rien n'est prévu pour ceux qui sont allés combattre. C'est donc la mauvaise volonté de l'administration qui est mise en cause. Mais avec quelles conséquences ? Les amis de Puvana descendent dans la rue en masse. Le gouverneur doit faire des concessions. Mais Puvana, accusé d'avoir incité les Tahitiens à manifester, est à nouveau emprisonné avant quand même d'être acquitté en novembre 47. Ouais, décidément. Puvana est clairement la bête noire de l'administration coloniale. Cependant, il prend sa revanche en 1949 puisqu'il est élu député. Le premier député tahitien. Oui, alors, et c'était excessivement important. Et dans la foulée, il fonde le premier parti autonomiste tahitien. le Rassemblement démocratique des populations tahitiennes, le RDPT. Sur quel programme alors ? Essentiellement la dénonciation d'un système colonial qui perturbe le mode de vie traditionnel des Tahitiens. S'y ajoutent des revendications matérielles, l'amélioration du niveau de vie de la population rurale, la réforme du régime foncier et un accès plus large des autochtones à la fonction publique territoriale. Son opposition est donc d'abord culturelle. Ah, et même identitaire. Son nationalisme est né du sentiment que les Tahitiens se sentent étrangers sur leur propre terre et du fait que les représentants de la France méconnaissent, mais alors totalement, l'identité tahitienne, la langue, la culture et aussi le mode de raisonnement, très éloigné du système de pensée occidental. Il faut aussi souligner que Pouvana défend ses idées avec talent. En tahitien, il est très éloquent, utilisant des formules poétiques et truffant ses discours de citations bibliques. Ouais, ça, c'est l'influence des missionnaires. Alors, c'est évident, et c'est dès cette époque qu'il prend le nom de Metua, et donc de père du peuple tahitien. Est-ce qu'il revendique l'indépendance ? Sur le sujet, il est très ambigu. Officiellement, son parti, le RDPT, prône l'union avec la France. Mais dans les réunions politiques, et surtout lorsqu'il s'exprime en tahitien, il caresse les siens dans le sens du poil et évoque plus précisément l'inévitable émancipation de la Polynésie. Double langage, donc. C'est exact. Mais, et c'est la grande faiblesse de Pouvana, il manque d'expérience politique, au sens où l'on entend chez nous. Il cède aussi un peu facilement au culte de la personnalité. Par ailleurs, c'est un personnage naïf, facilement manipulable, et qui n'est pas très regardant sur la qualité de ceux qui rejoignent son parti, où l'on retrouvera d'anciens vichistes ou des militants de l'Action française, de bien mauvais conseillers. Ouais, et ce manque de clarté lui sera reproché. Par quelques-uns, bien sûr. Pourtant, pour la métropole et les représentants du pouvoir colonial, Pouvana est soupçonné d'être communiste. C'est ce que prétendent surtout les gaullistes du RPF qui agitent la menace du péril rouge à chaque élection tout au long de la décennie 50. Je dois aussi dire qu'à ces faiblesses inhérentes à la personnalité de Pouvana vont s'ajouter des dissensions internes. Et au sein de son propre parti. Oui, son second, Jean-Baptiste Serrange-Rusalemi, va assez rapidement afficher sa différence. Alors, je vous parlais des élections. En 1950, Pouvana siège donc à l'Assemblée nationale. Oui, en métropole. Oui. Un an plus tard, il est réélu avec plus de 70% des suffrages aux législatives. Et en 1952, le RDPT obtient la majorité à l'Assemblée représentative du territoire qui va être présidée par Serrange-Rusalemi. Ouais, c'est l'occasion alors d'appliquer au moins une partie de son programme. Certes. Mais les élus du RDPT sont mal préparés à la gestion des affaires et à un fonctionnement démocratique. Il faut reconnaître que les représentants de la France leur mettent des bâtons dans les roues. Pour eux, la tentation, c'est de gouverner le territoire comme s'il s'agissait d'un proconsulat. Aussi, les propositions du RDPT, comme par exemple l'instauration d'un impôt sur le revenu, restent-elles à l'état de projet ? Sans réelle application. Alors. C'est ça. En 1956, nouvelles élections législatives. Pouvana est réélu, mais sa popularité est en baisse. À noter que sa campagne a donné l'image d'un leader exalté, condamnant tous les exploiteurs, mais incapable de faire des propositions concrètes. Toutefois, il termine ses discours par de vigoureux « Vive la France » et « Vive Tahiti ». N'empêche que le RDPT et son leader inquiètent de plus en plus la métropole. Ça se traduit comment alors ? Pouvana est de plus en plus surveillé par les services de renseignement sur le territoire. D'autant que dans l'un de ses discours, Pouvana a appelé à l'aide les États-Unis. Ouais, ça, c'est une maladresse. Ah, certainement, oui. Le pouvoir ne tarde pas à exercer des représailles. Une demande de levée d'immunité parlementaire est lancée contre Pouvana, mais aussi contre Serrange-Rusalemi, sous le prétexte qu'ils auraient injurié et diffamé des conseillers de l'Assemblée territoriale. En même temps, des rumeurs commencent à circuler. On parle par exemple de cache d'armes. Il devient évident que Pouvana, qui par ailleurs s'est mis aussi à dos les magistrats du territoire, est désormais une cible pour l'administration coloniale. L'historien Jean-Marc Regnault est l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire de l'Océanie. Dans cet extrait de son livre « Le Métoua et le Général, un combat inégal », il analyse la psychologie de Pouvanaha. Sans chercher à atténuer sa responsabilité dans les dérapages auxquels il s'est livré, il faut replacer ses paroles et ses actes dans le cadre de sa propre culture, dans le cadre de l'art oratoire tahitien, dans le maniement de l'humour et dans le double langage que nécessite la tutelle française. Pouvanaha est un homme simple, dont la culture est essentiellement biblique, avec l'interprétation qu'il donne des livres sacrés. Nous n'emploierons pas l'expression de théologie de la libération, qui serait anachronique et déplacée, mais l'action et la pensée de Pouvanaha se situent bien dans cette perspective. Il a répété à ceux qui l'interrogeaient sur sa méconnaissance de la législation française, lui qui, comme député, participait pourtant à son élaboration, qu'il connaissait par cœur le décalogue et qu'avec cette base, il pouvait bâtir toute la législation nécessaire. Cependant, il ajoutait qu'en tant que député, il avait aussi à faire les lois selon les définitions de la mère patrie. Pouvanaha est donc de plus en plus menacé, mais j'y reviens tout de suite. Auparavant, je voudrais soulever un point important. La 4e République qu'on a tant accablée a néanmoins eu quelques mérites, en particulier celui-ci, à l'initiative du ministre Gaston Defferre en charge de l'Outre-mer. Le gouvernement a adopté en 1956 une loi cadre qui entendait confier aux élus des TOM la gestion de leurs propres affaires. Ouais. Et dans l'esprit de Defferre, qui sera aussi sous Mitterrand l'artisan de la décentralisation, c'était une étape vers l'indépendance. Absolument. Mais vous pensez bien que cette perspective a mécontenté les colons et tous ceux qu'on appelait les métros. Ouais, qui se voyaient déjà dépouillés de leurs pouvoirs et prérogatives. Et ça a été particulièrement le cas à Tahiti, où la loi cadre a commencé à être appliquée à partir de 1957. Et c'est à cette occasion que le territoire devient officiellement la Polynésie française. Mmh. Mais j'imagine qu'elle va être dotée d'un gouvernement. Bien sûr. Mmh. Après les élections territoriales de 1957, où l'on observe un petit tassement du RDPT, Serrange Jérusalemi est élu à la présidence de l'Assemblée, tandis que Pouvanaha est nommé vice-président du Conseil du gouvernement, équivalent du poste de Premier ministre. Il devient donc l'homme fort de la Polynésie après le gouverneur. Et naturellement, ça soulève un grand espoir chez ses partisans. Oui, parce qu'ils espèrent que le programme autonomiste du RDPT va enfin être mis en œuvre. Oui, mais c'est une grosse déception qui les attend. Si Pouvanaha incarne incontestablement les aspirations de son peuple et même en quelque sorte sa conscience, il faut bien constater qu'il a les plus grandes difficultés à gouverner. Par conséquent, il laisse les dossiers s'accumuler, dépense excessivement. Et malheureusement, comme ça se passe dans de nombreux pays fraîchement émancipés, son parti pratique le clientélisme et même le népotisme. Ouais, bref, Pouvanaha confirme que c'est un idéaliste, mais un piètre politique. En effet. Et cette pratique désastreuse relance les divisions à l'intérieur de son propre camp. Alors, presque forcément, l'opposition regroupée au sein de l'Union tahitienne en profite. D'autant que Pouvanaha ne cache pas son ambition d'édifier une république de Tahiti. Mais une république qui resterait associée à la France ? Oui, par le biais de l'Union française. Mais ses opposants estiment que c'est en réalité une position anti-française. Autre tuile, si j'ose dire. Les dissensions internes au RDPT éclatent au grand jour et le mouvement se scinde en deux. Mmh. Alors au pouvoir, Pouvanaha va donc d'échec en échec. Et c'est très grave en cette année 1958. Mais l'année du retour au pouvoir du général de Gaulle. Hein. Déjà, les émissaires gaullistes, dont Roger Frey et André Rive-Henri. Attendez, Rive-Henri, c'est l'homme qui sera plus tard là au centre du scandale de la garantie foncière, c'est ça hein. Le même, oui. Donc ces deux émissaires sont venus à Papeete avec un objectif. Transformer le parti de l'Union tahitienne en mouvement qui défendra avant tout la présence française tout en préparant l'opinion à accepter le retour de Gaulle au pouvoir et d'accuser du même coup Pouvanaha de diriger un régime autocrate et dictatorial. Pas moins que ça. Et quelle est la position de Pouvanaha alors au sujet de l'éventuel retour du général ? Malgré le fait qu'il ait, dès 1940, soutenu la France libre, le leader polynésien se méfie. À cause des menées des gaullistes à Tahiti ? Essentiellement, oui, parce qu'ils ont rejoint les éléments les plus conservateurs. Mais il est certainement déchiré entre ses vieilles convictions gaullistes et sa quasi-certitude que le retour du général n'amènera rien de bon pour la Polynésie dont il rêve. Et c'est pourquoi, une nouvelle fois, il est ambigu lorsqu'il s'agit, en septembre 1958, de voter oui ou non au référendum sur la Constitution. Ambigu, alors, que choisit-il ? Non à la France, mais oui à De Gaulle. Ouais, bah, par conséquent, il vote non. C'est évident. Pouvenat n'a pas pris conscience qu'en prônant le non, il se heurtait directement à De Gaulle et s'engageait donc dans un processus qu'il ne maîtriserait pas. Il n'était pas de force. Oui, c'est ce que je pense. D'autant qu'il n'est pas suivi par ses compatriotes. La Polynésie française vote à près de 65% en faveur de la Constitution. Mais c'est donc un désaveu pour Pouvenard. Oui, car même au sein de son parti, des gens comme Séran Djérisalemi ont choisi le oui. Pouvenard n'a donc pas mesuré la force de ses adversaires, c'est-à-dire les gaullistes, les notables et les traîtres dans son propre parti. Dès lors, il va se trouver en grande difficulté. En fait, son sort a été scellé avant même la tenue du référendum. Racontez. À Paris, on a déjà décidé de tout faire pour éviter que Tahiti ne bascule dans l'indépendance. La Polynésie ne doit donc pas devenir un État faisant partie de la communauté. Et comme le propose justement le référendum aux autres colonies. Qui gagneront leur indépendance en 1960. Non, la Polynésie doit rester un tome. C'est ce qu'indique un télégramme secret envoyé par Paris au gouverneur. Et pour aboutir à ce résultat, il faut réunir deux conditions. D'abord, abolir la loi cadre pour réduire la marge de manœuvre de l'Assemblée territoriale. Et ensuite, se débarrasser de Pouvenard. Ouais, se débarrasser. Ce qui va être fait ? Bien entendu. Et même très vite. Début octobre 1958, le gouverneur suspend le gouvernement de Pouvenard. Sur ordre de Paris ? Naturellement. Le lendemain, geste symbolique, on lui retire sa voiture de fonction. Réaction de la population. La tension monte. Et Pouvenard lui-même, alors ? Il est là et tarde à réagir. Pire. Devant quelques-uns de ses partisans réunis dans la cour de son domicile, il aurait prononcé une phrase malheureuse. « J'en ai assez que tout le monde vienne me demander d'agir. Eh bien, allez mettre le feu à la ville. Moi, demain matin, j'irai voir le gouverneur. » Le feu à la ville, mais vous avez utilisé quand même le conditionnel. Oui, parce que selon une autre version, il aurait au contraire dissuadé ses partisans très excités d'aller brûler la ville. Quoi qu'il en soit, on assiste effectivement à des émeutes dans Papeete, à un début d'incendie provoqué par des cocktails Molotov. Et c'est pain béni pour l'administration. Ouais, mais bien sûr, c'est Pouvenard qui est derrière tout ça. Et le 11 octobre 58, on vient de l'arrêter. Et au cours de la perquisition effectuée à son domicile, on aurait trouvé des armes. Mais selon certains témoins, ces armes auraient été placées à dessein chez lui. En somme, ce serait le coup des Irlandais de Vincennes. C'est à peu près ça. Et la suite est menée tambour battant. Le procès de Pouvenard est immédiatement instruit. Et uniquement à charge. Mais ça ne vous étonnera pas. Le leader du RDPT passera en jugement en octobre 59. Il est accusé de complicité, de destruction d'édifices et de détention d'armes et de munitions sans autorisation. Mais le jury de la cour criminelle n'a pas retenu contre lui l'incitation à l'incendie. Ça suffit néanmoins pour le condamner à 8 ans de prison, 15 ans d'exil en métropole et une lourde amende. C'est l'application là, d'une justice coloniale. Ah, tout à fait. Il faut observer que même à Paris, dans les milieux proches du pouvoir, cette sévère condamnation d'un homme de 64 ans provoque des réticences. C'est le cas en particulier du ministre de la Justice, Edmond Michelet. Qui était un honnête homme. Hein. Certainement. Michelet donc fait rapidement part de ses doutes, car il trouve que le dossier d'accusation est vide et que Pouvenard a été arrêté, je cite, dans des conditions provoquées. À la suite d'une manipulation, par conséquent. Mais peut-on revenir sur la chose jugée ? Ah, c'est impossible. À l'époque, en tout cas. Mais ça, j'y reviendrai, car il est toujours question de demander la réhabilitation de Pouvenard. Un procès en révision ? Oui, en tout cas, Pouvenard est donc envoyé manu militari en métropole et immédiatement emprisonné. Tandis qu'à Tahiti, l'administration a déjà mis en musique les mesures permettant d'en terminer avec cette si dangereuse loi cadre et qui aurait risqué de conduire la Polynésie française vers l'indépendance. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Bref, retour sur le procès de Pouvenard. J'ai trouvé ces quelques lignes dans un document publié par le site de l'Assemblée de Polynésie française en 2009. L'affaire a été traitée dans des délais très courts. sur pression du pouvoir politique et du gouverneur. L'instruction a été menée essentiellement à charge. Les règles élémentaires ne furent pas respectées. Ainsi, lors de l'interrogatoire, un sombre tableau de Pouvanaf fut dressé. Il fut présenté seulement comme anti-français et nulle mention ne fut faite de son passé d'ancien combattant et d'initiateur du ralliement à la France libre. Le réquisitoire fit état à charge contre Pouvanaf de l'affaire du Ville d'Amiens pour laquelle Pouvanaf avait été acquitté. Une absence de respect envers les accusés fut manifeste. Les adversaires de Pouvanaf ne furent pas inquiétés pour leur attitude. Jet de pierre sur sa maison, utilisation de camions et bulldozers contre ses partisans et tracts violents contre lui incitant au meurtre. Depuis son arrestation jusqu'au procès, la présomption d'innocence ne fut pas respectée ni par les médias, ni par les adversaires politiques, ni par le gouverneur. Tous les moyens furent donnés au gouverneur pour mener une propagande très anti-Pouvanaf, obtenir un assainissement durable du climat politique et une reprise en main effective de la population. Le gouverneur donnait des ordres au procureur, fixa la date de l'audience et récusa des jurés. Alors, je vous ai dit que l'administration a fait fissa après s'être débarrassée de Pouvanaf pour mettre à mal la loi cadre initiée par Gaston Defferre. Et c'est assez curieux. La reprise en main de la Polynésie française commence par une intervention de l'armée de terre qui met en place, fin novembre 1958, un comité mixte d'action psychologique. Ben comme en Algérie, au fond. Et la justification, c'est la crainte du communisme. Un prétexte. Oui, car il n'y a nul danger communiste en Polynésie. Et en même temps, le gouverneur demande à Paris des moyens supplémentaires pour assurer le maintien de l'ordre public et contrecarrer les propagandes subversives provoquées par l'affaire Pouvanaf. Ça commence par l'affectation d'un officier spécialisé dans le renseignement auquel on confie les attributions de chef du cabinet militaire du gouverneur. Ah mais, et là encore, on ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec l'Algérie. Ah, tout à fait. Mais le gros morceau juridique, c'est l'abolition de la loi cadre. Fin décembre, c'est fait. Le pouvoir exécutif est donc de nouveau entre les mains de l'État par l'intermédiaire du gouverneur et le conseil du gouvernement polynésien est dissous. Détail significatif. Le nouveau gouverneur, arrivé en Polynésie peu après l'arrestation de Pouvanaf, déclare que la loi cadre est responsable de tous les malheurs qui ont frappé le territoire. À ce stade-là, une question s'impose. Pourquoi vouloir à tout prix conserver ces quelques confettis perdus au milieu d'un océan lointain? Pourquoi cet acharnement? Vous avez raison de vous étonner, ou au moins de faire semblant, mais je vous répondrai, je vous le promets. En attendant, voyons la suite. Alors, autre question. Qu'a-t-on pensé en métropole des événements polynésiens? Pour dire les choses brutalement, on s'en est totalement moqué. Et d'abord parce que l'actualité, c'était la guerre d'Algérie et la naissance de la Ve République. Il faut pourtant noter l'intervention d'un brillant juriste, Jean-Pierre Lemay. Ce résistant, gaulliste historique, a tout de suite publié un ouvrage où il a pris la dimension de l'événement. La cour criminelle, a-t-il écrit, vient de faire de Pouvanaf non seulement un martyr, mais un héros. Ouais. Mais pour le reste, alors, peu ou pas de réaction? En effet. Et Pouvanaf, alors? Même exilé et emprisonné pour les autorités, c'est toujours un homme dangereux. Il est brinque-ballé de prison en prison à travers l'Hexagone. Prisonnier de droit commun, il est d'abord incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille. Puis il a bénéficié du régime de détenu politique et a été transféré à la prison de Fresnes. Puis il a été placé en résidence surveillée dans une maison de retraite de l'Oise, avant de rejoindre un autre établissement semblable dans le Gard, et ensuite dans les Deux-Sèvres, pour finir à Vanves. Vanves, ouais. Toujours dans une maison de retraite? Oui. Entre-temps, sa requête en cassation a été rejetée, et il a été déchu de son mandat de député par le Conseil constitutionnel. Mmh. Et ses conditions de détention? Elles se sont assouplies au fil des ans. À Pierrefonds, dans l'Oise, il a même pu recevoir des amis, et aussi des adversaires, comme le futur véritable patron de la Polynésie française, Gaston Flosse, et son rival et ennemi juré, Séran Jérusalemi. À ce dernier, il a confié une anecdote très significative. Quoi? Il a raconté avoir reçu la visite d'un attaché au cabinet d'un ministre français. Cet homme lui aurait dit que s'il voulait revenir à Tahiti, il lui suffirait de signer une lettre au terme de laquelle il renoncerait à toute activité politique et surtout promettrait de ne rien faire contre l'implantation du CEP à Moruroa et Fangatofa. Ouais, le CEP, c'est le centre d'expérimentation du Pacifique. Et qui va être le maître d'œuvre des tirs nucléaires en Polynésie. Ouais. Ouais. Les réactions de Puvana à cette proposition? Puvana a bien sûr refusé catégoriquement cette offre. Son exil s'est donc poursuivi. Ouais, mais dorénavant, il a été étroitement surveillé. On redoutait qu'il cherche à s'évader? C'est si vrai que pas moins de 4 inspecteurs ont été affectés à sa surveillance. Une femme de ménage a même été appointée par la police pour rendre compte de tous ses faits et gestes. Et tenez, j'ai là une note de l'Élysée de janvier 1963, adressée au ministère de l'Intérieur. Voilà ce qu'on y lit. Il importe d'une manière absolue d'empêcher un éventuel départ de France de Puvana. Il peut se rendre facilement à Tahiti en franchissant clandestinement la frontière française et en s'embarquant dans un avion d'une compagnie étrangère à destination de Papeete. Or, sa présence serait particulièrement préjudiciable pour les intérêts français, étant donné son action antinationale et surtout son hostilité aux futures expérimentations atomiques qui doivent normalement se dérouler désormais dans les eaux du Pacifique. Ouais. Et c'est ce que vous vouliez dire, là, le nœud de l'affaire, c'est ça, c'est le CEP, c'est-à-dire la poursuite de l'acquisition par la France de sa force de frappe. Bien entendu. Et rien n'est plus important pour le général de Gaulle. Mais si vous le voulez bien, j'y consacrerai notre prochain entretien, car il y a beaucoup à dire sur cette question. Surtout pas mal d'informations qu'on a dissimulées. En 1963, et là encore, ce n'est pas étranger à la création du CEP, le parti de Puvana, l'URDPT, est dissous. 3 ans plus tard, en 1966, le leader polynésien arrive au terme de sa peine de détention. Oui, mais sa condamnation à l'exil demeure, non? Jusqu'en 1973, oui. À l'Élysée, on envisage alors de la raccourcir, si l'on en croit Jacques Foccart, l'éminence grise du général. De Gaulle aura accepté, mais à une seule condition. Pas question que Puvana puisse revenir à Tahiti. Il va donc être libre, mais avec interdiction de rentrer chez lui. Et du point de vue du général, ça s'explique très bien. 1966, c'est aussi l'année du premier essai atomique du CEP. Oui. De Gaulle fera le voyage. En septembre. Mmh. Et à cette occasion, le président de l'Assemblée territoriale souligne devant le général que la Polynésie française rend un immense service à la France. Il en profite pour demander un peu de clémence pour Puvana, qu'il puisse au moins rentrer dans son îlot natal de Huaine, même s'il reste interdit de séjour dans le reste de l'archipel. Mmh. Réponse de Gaulle, là. C'est un refus catégorique. Pour lui, Puvana, elle n'est pas encore assez sage. Curieuse épithète pour ce vieux monsieur. Oui, je suis d'accord. Non, la vérité, c'est que pour le pouvoir, Puvana est encore jugé trop influent en Polynésie. Il a gardé son prestige. Et sa popularité. Il est toujours le Métois. Et en cette année, 1966, l'Assemblée territoriale demande en vain la révision de son procès. Cependant, le 11 novembre 1968, De Gaulle profite du cinquantenaire de l'armistice de 1918 pour gracier Puvana au titre d'ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Il peut donc revenir là, en Polynésie. Il a alors 73 ans. Il est accueilli triomphalement à Papeete. Il est dans quel état d'esprit, là? Eh bien, c'est du moins ce qu'il déclare au journaliste venu l'interviewer. Il affirme n'éprouver ni haine ni rancune. Et il est sûr que la France, qui est une grande nation, finira par lui rendre justice. Ouais, il est très optimiste, puisque à ce jour, il n'a toujours pas été réhabilité. Et renonce-t-il à l'action politique? Pas du tout. Tout en clamant avec force son innocence, il est bien décidé à participer à la vie politique. Amnistié en juillet 1969, il est de nouveau éligible. Et en 1971, il est élu sénateur. Belle revanche, hein. Et il rejoint aussitôt le camp autonomiste. Mais malheureusement, Puvana n'a toujours pas changé. Mais que voulez-vous dire, là? Il cultive toujours la même ambiguïté. D'un côté, il affirme qu'il n'existe aucune rancœur entre la France et le territoire. Et de l'autre, il s'en prend à l'ingratitude de la France et à sa mauvaise influence. En tout cas, malgré sa mauvaise santé, il ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant à travers la Polynésie. Il vitupère toujours contre les expérimentations nucléaires en Polynésie. En 1973, il envoie même un télégramme au président Pompidou dans lequel il menace la France. Si elle n'arrête pas ses essais, les Polynésiens revendiqueront l'indépendance. Oui, mais le rapport de force est par trop favorable à Paris. Hein. Donc la demande de Puvana reste nulle et non avenue. Le vieux leader meurt en 1977 à l'âge de 82 ans. Il ne fait nul doute qu'il a payé très cher, ces années de prison. Malgré sa disparition, il reste pour tous les Polynésiens le Métoua, c'est-à-dire le père de l'autonomisme, et même pour certains celui de la revendication indépendantiste. Signe fort, l'année de la mort de Pauvana, on a assisté au premier changement de statut pour la Polynésie française qui jouit désormais d'une autonomie de gestion. C'est en somme le retour au statut autrefois octroyé par la loi cadre de Defer. Mais les autonomistes n'ont pas obtenu toutes les avancées qu'ils souhaitaient. Et à partir de 1982, c'est Gaston Flosse qui s'impose en remportant les élections territoriales puis en devenant président du gouvernement polynésien en 1984. Ouais, c'est le début de la mise en place du système Flosse. Une vraie mainmise sur tous les rouages économiques, sociaux et financiers de l'archipel pendant plus de 20 ans. Mais attendez, Flosse se prétend aussi autonomiste. Hein. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec l'idéal de Pauvana, l'autonomisme de Flosse. C'est l'autonomisme pour les affaires. Ah oui, d'accord. Flosse qui vient d'ailleurs d'être à nouveau condamné. Hein, oui, ouais. Une condamnation parmi beaucoup d'autres, mais enfin passons. Puisque nous arrivons à la fin de cet entretien, parlons de l'essentiel. Pauvana a-t-il été victime d'une vraie machination ourdie par les autorités coloniales? Et sera-t-il réhabilité un jour? Les juristes qui ont plaidé en 1993 devant la commission de révision de la Cour de cassation ont, à mon sens, bien démontré que c'est un véritable coup monté, fomenté pour l'éliminer. Ainsi, ils se sont basés sur deux nouveaux éléments. D'abord, le témoignage d'un gendarme qui a procédé à l'interpellation d'un jeune émeutier de Papeete. Porteur d'une bouteille d'essence, il se trouvait devant le domicile d'un adversaire politique de Pauvana. Mais c'est plutôt un élément à charge, ça. Non, parce que ce jeune Tahitien, lui, a déclaré agir sur instruction non de Pauvana, mais de ses ennemis, parmi lesquels le maire de Papeete. D'autre part, toujours selon ce même témoignage, beaucoup de dépositions à charge contre Pauvana ont été arrachées à de jeunes inculpés avec des méthodes musclées. Enfin, encore plus troublante est la révélation que 2 jours avant l'émeute et l'arrestation de Pauvana, une curieuse affiche avait été imprimée. Pourquoi curieuse? Parce qu'elle annonçait l'interpellation de Pauvana après qu'il eut appelé ses partisans à incendier Papeete. Alors que rien ne s'était encore passé. Il y avait donc préméditation chez ses adversaires. Exactement. Mais ça n'a pas suffi à obtenir la révision. Et en 2010, la garde des Sceaux, à Lyon-Marie, a encore répondu défavorablement à une nouvelle demande. Et pour démontrer la réalité de la manipulation, il faudrait pouvoir accéder aux archives du ministère de la Défense, des archives concernant les essais atomiques, mais il faudrait qu'elles soient déclassées. À samedi prochain, donc, pour un nouvel entretien justement consacré aux essais nucléaires de la France en Polynésie. Sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission si le podcast fonctionne. Rebecca de Nantes a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Biou et mis en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après les informations, CO2, mon amour, de Denis Chessou.